Viens, mon aimé, ici cela je tes peines. Et si je te conquiers demain, les deux versions sont vraies. Ton accent comme les oiseaux, célébrant un nouveau jour. Ta voix cristalline, la source que les frailes jaunes offrent. Car tu as séché mes peines par ton sourire d'âme. Et Dieu nous donna la mer comme couche nuptiale. Ta-la-ta-ta-la-ta, des marins m'avaient averti de ton chant de sirène. Pourtant tes écailles changeantes furent mon trophée éclepsydre. Nous sommes vraiment cela, un amour flottant entre idées. Erreur et correction, quelque chose à peine plus qu'immatériel. Donc viens mon aimé, ici se loge tes peines. Et si je te conquiers demain, les deux versions sont vraies. Ton accent comme les oiseaux, célébrant un nouveau jour. Ta voix cristalline, la source que les frailes jaunes offrent. Car tu as séché mes peines par ton sourire d'âme. Et Dieu nous donna la mer comme couche nuptiale. Ta-la-ta-ta-la-ta, des marins m'avaient averti de ton chant de sirène. Pourtant tes écailles changeantes furent mon trophée éclepsie. Nous sommes vraiment cela, un amour flottant entre idées. Erreur et correction, quelque chose à peine plus